Leçon 3, page 98, activité 2 et 3, piste 88. Dis Loïc, tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur. C'est Inès. Elle a 12 ans. Elle est comment? Elle est grande comme mon père. Et elle a les yeux bleus de ma mère.